genre de fille qui s'habille chez Gucci. Mes amants, je les choisis dans les pages de Voici. Mes amis sont toutes déjà casées, mariées ou bien fiancées. Moi, à l'année, je suis abonnée aux hommes mariés. Moi, je n'ai pas droit au bonheur. Je ne cherche même plus l'âme sœur. J'ai connu des bourreaux mais sans cœur.